celle... Oh putain, j'ai du son sur mon micro, j'hallucine. Ah putain. Ah, je vais péter un câble. Non, non. Quand je branche mon micro, ça marche. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas assez de... Ah, les mecs, ils doivent m'entendre gueuler dans le micro, c'est génial. Ah, ah. Ah, ah. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Non, mais sans... Eh, sans déconner, putain de sa mère. Thank you.